système a un problème. Je ne sais pas quoi. Je n'en sais rien. Il se fout de nos destins et des danses du lendemain. Le système a un problème avec les êtres humains, vu qu'ils n'ont pas jusqu'à la fin. Oh, faut être évident. Oh, le monde ne tourne pas rond. On entend ces vents qui grondent comme un appel à l'hécatombe. Oh, faut être évident. Oh, le monde ne tourne pas rond. On entend ces ventres qui grondent comme un appel à l'hécatombe. Alors que faire, il faut peut-être s'enfuir. Il faut sûrement en finir. Et à tout jamais partir. À tout prix briser nos chaînes et se retrouver au pied d'un chêne. Dire heureusement à nos enfants que les arbres sont encore verts, que les arbres sont encore verts. Oh, la mer bleue et le ciel noir. Oh, coin du feu et de l'espoir. Oh, la mer bleue et le ciel noir. Au coin d'un feu et de l'espoir. Mais la nature nous repousse. Nous avons froid, nous avons trop chaud. Nous avons mal dans notre peau. Les villes nous attirent sur les trottoirs à jamais. On voit de sortes d'hommes qui se pavanent, de sortes d'hommes. Donc voici, voici la vérité. Celui qui a une cravate est celui qui tend la main en demandant un bout de pain. Oh, celui qui a une cravate est celui qui tend la main en demandant un bout de pain. Celui qui a une cravate, celui qui tend la main en réclamant un bout de pain.